السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Nous sommes toujours dans le chapitre numéro 34, fait partie de la foi en Allah, la patience vis-à-vis des décrets d'Allah. Nous avions lu la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Al-Qamah, rahimahullah ta'ala, nous explique ce verset en disant: والرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Cela concerne l'homme qui est touché par un malheur et qui sait que cela vient d'Allah, alors il accepte et se soumet. Puis nous avons cité le hadith d'Abi Huraira عند مسلم رحمه الله ورضي الله عن أبي هريرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: deux choses chez les gens sont une forme de mécréance: insulter les origines et se lamenter sur le mort. Shahiduna min al-hadith wa niyahatu ala al-mayyit. Anna hadha dalil ala adam al-sabr wa dalil ala al-tasakhut. Donc ici, le fait de se lamenter sur le mort est une preuve que la personne n'a pas patienté, et qu'elle n'est pas satisfaite, ou plutôt qu'elle se révolte, et qu'elle se révolte devant le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc on voit l'obligation de se montrer endurant, et la gravité de ne pas patienter. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Tous deux rapportent d'après ibn Mas'ud, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, rapportent d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu qu'il attribue la parole suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne fait pas partie des nôtres celui qui se frappe les joues, déchire ses habits ou bien son col et se lamente comme on le faisait du temps de la jahiliya, ou bien au lieu de se lamente et qui invoque et qui appelle aux idéologies de la jahiliya. Aux idéologies de la jahiliya. Selon l'explication du hadith, il y aura soit telle traduction. Laysa minna idhan ma sa'udhkar fi hadha al-hadith min kaba'ir al-dhunub. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit dans ce hadith n'est pas des nôtres, ne fait pas partie des nôtres, nous indique que ce qui va être cité ici dans ce hadith fait partie des grands péchés. Car vous vous souvenez qu'entre dans la définition du grand péché la situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit laysa minna, ou l'action faite par l'acteur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue ou dit n'est pas des nôtres. Man daraba al-khudud. Donc celui qui se frappe les joues ne fait pas partie des nôtres. Wa khassa al-khudud sallallahu alayhi wa sallam li annahu al-ghalib. Fa illa law daraba ghayra dhalik min wajhi فالحكم سواء n'est pas des nôtres, ne fait pas partie des nôtres, celui qui se frappe les joues. Ay inda al-musiba, c'est-à-dire lors du malheur, lors de l'épreuve, en signe de révolte devant ce qui le touche. Et ici, on cite particulièrement les joues, car la plupart du temps, c'est à cet endroit que tape la personne. Mais cela ne veut pas dire que si elle tape un autre endroit de son visage, elle n'aura pas le même jugement. Donc on a cité ici les joues, car c'est la plupart du temps à cet endroit que cette action est faite. وشق الجيوب. La deuxième information ne fait pas partie des nôtres. Qui? Celui qui déchire ses habits. الجيوب جمعو جيب. الفتحة التي تكون في أعلى الثوب ويدخل بها الرأس من خلالها. الجيوب, c'est ça, cet endroit. N'est l'ouverture par laquelle tu entres ta tête. Donc la personne, lorsqu'elle se révolte, elle a tendance à tirer le haut de son vêtement. Ce que signifie ici le hadith. Ce n'est pas le jaïb, la poche. D'accord? C'est l'entrée du qamis, d'où tu entres ta tête. Est-ce que c'est compris? Lorsque les gens se mettent en colère, ceux qui ne patientent pas peuvent ou ont tendance à faire quoi? Ainsi, ils mettent leurs mains comme ça et ils tirent. Voici le sens du hadith. Donc c'est l'ouverture par laquelle on entre sa tête, on fait passer sa tête dans le vêtement. À quel moment la personne fait cela? Lorsqu'elle est touchée par un malheur et n'endure pas, se révolte au point où cela se répercute dans ses membres, soit en frappant le visage, soit en arrachant le vêtement. Le troisième point, وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّ, et se lamente comme on le faisait du temps de la jahiliya. قال بعض أهل العلم المراد بالدعوة هنا النياحة. بدعوة الجاهلية النياحة. Certains savants ont dit ce qui est voulu ici par appeler à la manière des gens de la jahiliya, c'est-à-dire النياحة, les lamentations. Nous avons déjà expliqué ce que signifie niyaha en détail. Aïda'a bilwayl wa thubur. Un autre sens cité par les gens de science est plus général que celui-ci. Est plus général que celui-ci. Certains savants disent que ça englobe toutes les mauvaises idéologies des gens de la jahiliya, tout ce à quoi ils ont appelé comme batil, toute action qui est dépourvue de droiture et de science. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants ont dit, lorsqu'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique un sens, mais qu'on peut le comprendre également de manière plus générale, le mieux est de le prendre de manière générale afin d'emmagasiner le plus de science possible. Car ainsi on aura le sens particulier et on aura également d'autres sens plus généraux. Donc avec le second avis, ça englobe l'asabiyya par exemple, ou ta'assoub, ça englobe les choses comme le racisme, le fanatisme, le fait de s'accrocher à sa tribu et de faire prévaloir son avis sur une autre juste parce que c'est sa tribu. Ou bien le fait de s'accrocher à un chien et le fait de faire prévaloir sa parole sur un autre juste parce que c'est lui, ou de le prendre comme balance comme le font Ahl Sunnah pour le Coran et la Sunna. Certains prennent un chien en tant que balance sur laquelle ils vont peser le vrai du faux. Ça entre dans Da'wa al-Jahiliya. Puis il lit l'alliance et le désaveu, comme a expliqué Cheikh Salah Sindi dans son sharah. Ces trois choses-là ont quoi en commun? Ça nous montre que la personne n'a pas enduré, n'a pas supporté, n'a pas patienté. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ici ce hadith. Ça nous montre que la personne a une faible foi. Donc, son tawhid a été faible. Elle n'a pas patienté. Et pourquoi est-ce qu'on a cité ces trois choses-là et pas d'autres? Parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps lors du malheur pour les gens qui ne sont pas patients. Sinon, celui qui, par exemple, casse de la vaisselle, met un coup dans le mur, et ainsi de suite, il entre dans cela. Il entre dans cela. Munasabatul hadith lilbab tahrim at-tasakhkhut min qadar Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlin aw fi'l. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de se révolter contre ce qu'Allah a décrété, que ce soit avec des actions ou que ce soit avec des paroles. Li'anna hadha min kaba'ir adh-dhunub. Car ceci entre dans les grands péchés. Le fait de se révolter devant le décret d'Allah Azza wa Jal, faire de mauvais gestes ou de prononcer de mauvaises paroles, entre dans les grands péchés. Wal wajib 'ala al-muslim as-sabr. Et ce qui incombe aux musulmans, aux croyants, est l'endurance. Ma yustafadu min al-hadith, parmi ce qu'on peut tirer du hadith, تحريم التسخط من قدر الله وأنه من كبائر الذنوب. On tire de ce hadith l'interdiction de se révolter contre le décret d'Allah. Également que ces péchés cités, que la révolte devant le décret d'Allah entre dans les grands péchés. Quelle est la preuve que ça entre dans le grand péché? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit laysa minna barakallahu fik. Wujub as-sabr 'inda al-masa'ib, l'obligation de se montrer endurant lors du malheur. Wujub mukhalafati ahli al-jahiliyyah wa anna hadha min maqasid al-shari' al-hakim, l'obligation de se comporter différemment des gens de la période de du paganisme, l'obligation de se comporter de manière différente, ou bien de contre de mada, naam, de se comporter différemment des gens de la période anti-islamique, al-jahiliya. Une parole répandue, les gens disent lorsque j'étais dans le jahiliya. C'est un péché, puis ils disent lorsque j'étais dans le jahiliya. Bien dit, j'ai fait ceci quand j'étais dans le jahiliya. Si tu étais dans le jahiliya, quel est donc ton âge? Al-jahiliya, c'est avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était de manière mutlaqa, comme ça. D'accord? Naam. Dis, qabla l'istiqama. Dis avant qu'Allah azza wa jalla m'ait facilité la droiture. قبل المحافظة على الصلوات قبل إسلامي قبل وهكذا. J'ai avant de me convertir ou avant de préserver mes prières, avant d'emprunter la droiture. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala a cité un autre hadith. Avant cela, il faut bien comprendre que le fait de se taper les joues entre dans cette menace citée dans le hadith, lorsque c'est fait en signe de révolte devant le décret d'Allah. Devant le décret d'Allah. Mais la personne qui se tape les joues par étonnement, par exemple, ça n'entre pas dans le hadith. Ou pour une raison ou une autre, ça n'entre pas dans le hadith. Ce qui est voulu ici, c'est « عند المصائب تسخطا من قدر الله ». Ce qui est voulu dans le hadith ici, c'est ceux qui font ça en signe de révolte devant les décrets d'Allah Azza wa Jal. On dirait qu'il manque un hadith dans le livre. Non, c'est moi qui ai mal vu. Naam. Wa an Anas radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas rapporte que le messager d'Allah plutôt, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il lui précipite sa punition ici-bas. Et si Allah veut le mal pour son serviteur, il retient son péché pour l'en châtier le jour de la résurrection. Il retient son péché pour l'en châtier le jour de la résurrection. Il retient son péché. Allahu a'lam, la traduction exacte, c'est plutôt: il retient sa punition pour son péché. Il retient sa punition donc il mérite du fait qu'il a péché pour l'en châtier le jour de la résurrection, pour l'en châtier le jour de la résurrection. قال ابن عثيمين je vérifie, نعم أمسك عنه. قال ابن عثيمين أمسك عنه أي ترك عقوبته. ابن عثيمين dit, en expliquant ce passage, il retient sa punition. Il retient sa punition. نعم. إذا أراد الله, المراد بالإرادة الإرادة الكونية, ce qui est voulu par الإرادة, la volonté, ce qu'Allah veut, la volonté. الإرادة من صفات الله سبحانه وتعالى, la volonté fait partie des attributs d'Allah سبحانه وتعالى. Ce qui est voulu par الإرادة dans ce hadith, c'est الإرادة الكونية, c'est la volonté universelle. En combien se divise الإرادة? Naam. En deux, lesquels? Al-irada en arabe. Al-kawniya. Al-shar'iyya. Jazakallahu khayra. Donc la volonté universelle et la volonté législative ou bien législative ou on va dire religieuse. Comment expliquer l'irada al-kawniya et la différencier de l'irada al-shar'iyya avec deux caractéristiques? Naam. L'irada al-kawniya, c'est le décret universel. L'irada al-kawniya, c'est le décret universel. C'est tout ce qu'Allah a décrété. Qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, ça va se passer. Qu'il l'aime ou ne l'aime pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se réalise. En deux mots, تستلزم الوقوع لا المحبة. Tout simplement. تستلزم الوقوع لا المحبة. Donc, l'irada al-kawniya, la volonté universelle, se réalise forcément. Mais Allah peut l'aimer. Et cette chose peut ne pas l'aimer. D'accord ? J'ai fini cette phrase pour ne pas dire ne l'aime pas forcément. Naam. Quant à l'irada al-shar'iyya, la tastazim al-wuqu' walakin al-mahab. Quant à la volonté religieuse, elle ne se réalise pas forcément, mais elle est aimée. par Allah subhanahu wa ta'ala. Il me semble avoir déjà détaillé cela. إذا أراد الله بعبد الخير lorsqu'Allah veut pour son serviteur le bien, عجل له العقوبة أو عجل له بالعقوبة. Il faudra vérifier dans les différentes versions, est-ce que c'est بالعقوبة ou العقوبة. On dirait qu'il y a plusieurs versions, الله أعلم. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sur lui les épreuves et les malheurs. Pourquoi ? Afin d'effacer par cela ses épreuves, ses péchés. Afin d'effacer par cela ses péchés. Ainsi le serviteur sort de ce bas monde allégé de ses péchés ou purifié de ses péchés. Et ceci est meilleur pour lui. Car le châtiment de ce bas monde est moins douloureux que le châtiment de l'au-delà. Le châtiment de l'au-delà est plus douloureux et durable. Quelles sont ces punitions qu'on décrète sur le serviteur dû à ses péchés afin de le purifier de cela? Ça peut être dans son dîn, il peut être éprouvé dans son dîn. Ça peut être en sa personne par la maladie. Ça peut être dans sa famille, ils peuvent être éprouvés. Ça peut être dans son argent, il peut goûter à la pauvreté ou perdre de l'argent ou échouer dans le commerce. Et toutes sortes d'épreuves, des choses qui sont détestables pour nous. Donc ça, c'est dans le cas où Allah Azza wa Jal veut du bien pour son serviteur. Il goûte à la punition dans ce bas monde. Ainsi, il est allégé de ses péchés, car on lui efface les péchés dans cela, par cela, parce qu'il se montre endurant. Puis il décède et sort de ce bas monde allégé. Yom al-Qiyam, est-ce qu'il va retrouver ses péchés? Non, du fait qu'on les effaçait avec ses, ou en prenant pour cause, les masaïs. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه أي أخر عنه العقوبة. Et lorsqu'Allah veut pour son serviteur le mal, il retient cela, c'est-à-dire il retient sa punition due à ses péchés, c'est-à-dire qu'il retient sa punition due au péché du serviteur. Est-ce que c'est compris? أي أخر عنه عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Pour l'en châtier le jour de la résurrection. Pour lui donner ce qu'il mérite le jour de la résurrection. Allah musta'an. هذا الحديث رواه الترمذي هذا الحديث رواه الترمذي وغيره. Donc on repousse la punition du serviteur de ce bas monde à l'au-delà. Donc il viendra avec ses péchés. Et la punition arrivera à quel moment? Yom al-Qiyam, alors du jugement. Et ceci sans aucun doute est bien plus grave et douloureux. Dans le hadith, on voit إذا أراد الله بعبد الخير وإذا أراد الله بعبد الشر. Est-ce qu'Allah veut le mal pour ses serviteurs? Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et lorsqu'Allah, et si Allah veut le mal pour son serviteur? أراده كونا. Allah Azza wa Jalla a voulu de par quelle irada? Al-kawniyya, la volonté universelle. Fashar, المراد ليس شر المحض الذي يراد لذاته. Il faut bien comprendre cela. Lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jal veut le mal pour son serviteur, ça n'est pas un mal absolu qu'on a voulu en soi pour ce mal. بل هو مراد لغيره لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم. Mais c'est un mal qui a été voulu car découle de cela une sagesse. C'est pas un mal absolu premièrement, et deuxièmement il n'est pas voulu pour lui-même mais pour ce qui va découler, mais pour ce qui va en découler, la sagesse qui va en découler. Je vais vous citer un exemple pour que ce soit plus clair. Shaitan, c'est un mal ou c'est un bien? C'est un mal. D'accord. Est-ce qu'Allah aime la tauba? Il aime le repenti? Il aime ceux qui se repentent ou pas? Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à faire az-zunub? Qui est ton plus grand ennemi? C'est Shaitan, waswis lak. Tu t'embellis le mal, tu tombes dans le mal. Est-ce que Allah aime cela? Non. Pourtant, il l'a voulu de manière universelle. Kaunan. Le serviteur ensuite regrette. Yastaghfirin. Yatubil Allah Azza wa Jal. Allah aime cela. La sagesse qui en découle. Vous avez compris? Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Lawlam tuznibu, la dhahab Allah bikum. S'il n'y a pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Subhanallah. Il aurait amené une autre création qui aurait péché, aurait demandé pardon à Allah, et Allah leur aurait pardonné. Subhanallah. Allahu Latif, Allah Azza wa Jal est doux et fait des choses, et par moments il y a des subtilités que le fils d'Adam ne voit pas. Mais tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, c'est un bien. Soit c'est un bien voulu en tant que tel, soit pour le bien qui en découle. Donc quoi qu'il en soit, du point de vue de l'action d'Allah Azza wa Jal, c'est un khayr. Du point de vue de l'action d'Allah Azza wa Jal, c'est un khayr. D'accord? Donc Allah peut vouloir un mal de manière universelle de par le bien qui en découle. Et je pense que c'est clair avec l'exemple d'Iblis. Na'am. Et les savants ont expliqué ainsi afin d'unir entre différents hadiths parmi lesquels et parmi ces hadiths-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Washar laysa ilayk ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme ça, il est cité dans Sahih Muslim, « Washar laysa ilayk ». Et le mal ne te revient pas. Allah Azza wa Jal ne fait pas le mal. C'est-à-dire le mal absolu duquel il ne découle pas de sagesse, de bonne sagesse. Vous avez compris? Non. Donc il y a forcément un bien qui en découle. Il y a une sagesse derrière. Parmi les sagesses, comme on le verra dans le hadith prochain, Inch'Allah ta'ala, c'est que ça efface les péchés. Donc le malheur en soi, il n'est pas voulu. Mais il y a une sagesse voulue à travers celle-ci, c'est quoi? Effacer les fautes du serviteur. Un autre exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal veut une grande place pour son serviteur, c'est-à-dire fil jannah, mais que ce serviteur n'a pas le bagage pour, il ne fait pas assez de bonnes actions. Allah Azza wa Jal dit aux anges, déversez sur mon serviteur les problèmes, les malheurs, les soucis. Il est éprouvé, il ne cesse d'être éprouvé. Thumma yusabbiruhu Allah. Puis Allah l'aide à endurer, à patienter. Puis il reprend son âme et lui fait atteindre ses hauts degrés du paradis. Regarde la sagesse, subhanallah. Serviteur ne préserve pas assez bien les obligations. Il ne délaisse pas assez bien les interdictions. Il n'ajoute pas assez de surrogatoire. Il ne délaisse pas les choses détestables. Avec cela, il ne pourrait atteindre ses hauts degrés. Mais Allah a voulu pour lui ses hauts degrés. Qu'est-ce qu'il a fait? Subhanahu wa ta'ala, al-hakim al-ali, il a décrété le malheur sur lui. Puis il l'a aidé à endurer. Pour lui accorder cette place. Tafaddulan minhu wa karaman subhana. Ainsi, Inch'Allah, c'est clair. On voit ici, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِي شَرْ أَمْسَكَ عَنْ أَمْسَكَ هذا فعل من أفعال الله فالإمساك من صفات الله الفعلية donc le fait de se retenir est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un attribut d'action lorsqu'Allah veut, le veut, il le fait en accord avec sa volonté et sa sagesse وليس المراد أو المعنى تعطيل الله عن الفعل. Il ne faut pas comprendre à travers cela qu'Allah Azza wa Jal ne fait pas et qu'il y a des moments où il ne fait rien. Allah Azza wa Jal فعال لما يريد. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Et personne ne saurait le rendre ماذا incapable. فهو القوي العزيز. جل وعلا بل لم يزل ولا يزل فعالا لما يريد لكنه يمسك عن الفعل في شيء لحكمة بالغة donc Allah Azza wa Jal a cet attribut il fait ce qu'il veut mais subhanahu wa ta'ala il se retient de faire une action particulière et cela en accord avec sa sagesse parfaite en accord avec sa sagesse parfaite. Tout comme dans ce hadith, il retient la punition. Donc de châtier le serviteur. Dans quel cas? Dans le cas où il veut pour son serviteur le mal. On ne le purifie pas de ses péchés dans ce bas monde en le châtiant ici. Donnant la punition. Quand on dit le mot punition, l'uqouba, c'est forcément en face d'une mauvaise action. Le mot punition, punition vient forcément en face d'une mauvaise action. Pour l'en châtier le jour de la résurrection. Il arrive en Al-Qiyam, n'a pas été purifié de ses péchés par les épreuves de ce bas monde. Puis on le rétribue selon ce qu'il mérite donc. Selon ce qu'il mérite. À quel moment يوم القيامة سمي هذا اليوم بالقيامة لثلاثة أمور ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد Le jour de la résurrection a été appelé ainsi pour trois sagesses comme l'a cité ابن عثيمين et pour rappel Pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas les cours depuis le début, il est bon pour vous de savoir d'où est-ce que je prends mes sources. Naam. Donc premièrement, du résumé du sharh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Saleh al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Al-Mulakhas, il a deux sharh. Le shir a deux sharh. Il a un qui est long et un qu'on appelle le résumé. D'accord. Deuxièmement, du sharh de Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidahullah ta'ala. Troisièmement, du sharh d'Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et du sharh audio de Cheikh Saleh al-Sindi. C'est un shir dont la spécialité est cette science, un shir de Médine, hafidahullah ta'ala. Il a un excellent sharh. هذا هو. Donc lorsque je ne cite pas, vous savez d'où Mada est prise là-bas. D'où yani, j'ai tiré cela. Donc je disais que le jour des comptes, le jour de la résurrection, il a beaucoup de noms. Le jour de la grande perte a été appelé le jour de la résurrection pour trois sagesses. Lesquelles? Indaman. N'avons-nous pas cité cela dans l'usul al-thalatha? Non. Là. Awalan, le premier était, je pense, facile à trouver, Allahu alam. Mais bon, lorsqu'on a les réponses, c'est toujours plus facile. Naam. Presque, on était parti trop loin. L'iqiyam innas min quburihim. Premièrement, car les gens vont se lever et sortir de leur tombe. Car les gens vont se lever et sortir de leur tombe. Certaines femmes, parmi mes proches, m'ont dit, et qui suivent les cours à distance, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas les femmes répondre et montrer leur capacité à amener les bonnes réponses. Aussi lorsque les hommes ont démontré leur incapacité à le faire. Et c'est peut-être une bonne idée de poser les questions et de laisser la réponse à la fin du cours pour que les femmes puissent écrire leur réponse sur un papier. Et on laisse la niya entre parenthèses de cette suggestion. Hein? Donc, on essaiera de faire cela pour qu'on se motive mutuellement et se concurrence dans le bien. لقيام الناس من قبورهم لقول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Premièrement, car les gens vont se lever et sortir de leur tombe. Comme Allah nous dit dans le Coran, le jour où les gens se lèveront pour le Seigneur des mondes. En sourate Al-Mutaffifin, verset 6. Deuxièmement, لقيام الأشهاد. Car les témoins vont être levés. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Sourate Ghafir, le verset 51. Regardez la traduction du verset en français. Sourate Ghafir, verset 51. Un frère prend le mushaf avec la traduction et me dit le verset 51 de Surat Ghafir, le pardonneur. Troisièmement, l'iqiyam al-adl, car on va se faire lever la justice. قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Dans Surat Al-Anbiya, verset 47. Donc, la balance sera posée en toute justice le jour de la résurrection. Dans Surat Al-Anbiya. Jazakallah khair. Pour Surat Ghafir, Inna lanansuru rusalana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront. Où les témoins se dresseront. Donc pour ces trois sagesses. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna alamata iradatillahi li'abdil khayr mu'ajalatul 'uquba fid dunya ala dhunubi hatta yakhruja min ad-dunya khafif al-haml. وأن من علامة إرادة الشر لعبده أن يجازي بذنوبه في الدنيا أو ألا يجازي بذنوبه في الدنيا فيأتي يوم القيامة ثقيل الحمل فيعذب بما يستحقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi les signes qui nous montrent qu'Allah a voulu le bien pour son serviteur, le fait de le punir pour ses péchés dans ce bas monde, afin qu'il arrive yawm al-qiyamah allégé de ses péchés. A l'inverse, parmi les signes qu'on a voulu le mal pour le serviteur, le fait de ne pas le punir pour ses péchés dans ce bas monde, et de maintenir cela ou de retenir cela pour le jour du jugement dernier, afin de lui donner ce qu'il mérite comme sanction. Munasabatul hadith lilbab. L'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. L'annafil hath ala sabr عند المصائب والرضا بالقدر فذلك في صلاح العبد. L'auteur a cité ce hadith ou ce chapitre car ici on nous encourage à se montrer endurant lors de l'épreuve ainsi qu'à agréer ce qu'Allah a décrété. Pourquoi? Car on y voit ici que le bien retourne sur le serviteur, revient au serviteur. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le châtiment, la punition de ce bas-monde est moins lourde que la punition de l'au-delà. حق المتلاعنين. يستفاد من الحديث. Donc on tire de ce hadith que parmi les signes qu'Allah voulait le bien pour son serviteur, le fait qu'il soit puni dans ce bas monde. Et parmi les signes qu'Allah voulait le mal pour son serviteur, le fait qu'il ne soit pas puni pour ses péchés dans ce bas monde. Mais qu'on lui retienne cela pour l'au-delà. Al-masa'ib sabab takfir al-dhunub. Wa hadha bi ijma'i ahli al-ilm. Les malheurs sont des causes pour que le serviteur se voit effacer ses péchés. Donc, parmi les causes du pardon, de l'effacement des péchés, le malheur, les épreuves. Toute chose difficile. Il y a dans cela du pardon ou un pardon pour les péchés. Al-khawf min as-sihhati da'ima. أن تكون علامة شر والرخاء. La peur du serviteur lorsqu'il se voit toujours en bonne santé et qu'il n'est éprouvé de rien, de peur que cela entre dans les signes de ceux à qui Allah voulut le mal et qu'on lui retarde sa punition pour Yom Al-Qiyam. C'est pour ça que certains parmi les salafs, lorsqu'ils étaient pendant une longue période que dans le bien, sans épreuve, ils avaient peur pour leur propre personne. Car ils ne pensaient pas du bien d'eux. Ils avaient peur pour leur propre personne. التنبيه على حسن الظن بالله ورجائه بما يقتضيه أو بما يقضيه عليه من المكاره. Ici, on attire notre attention lors de l'épreuve sur le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah dans ce qu'il a décrit comme épreuve et comme chose qui peuvent être détestables pour le serviteur. Car il se peut qu'Allah Azza wa Jal décrète cela pour toi, pour que tu arrives yawm al-qiyamah allégé de péché, de tout péché. Donc, lorsque tu te retrouves dans l'épreuve, ne te plains pas, prends du recul, essaye de chercher la sagesse. Et si tu ne la trouves pas, dis-toi, il se peut qu'Allah Azza wa Jal m'ait châtié ou m'ait puni pour un péché, afin que je ne le retrouve pas yawm al-qiyamah. Al-insan qad yakrahu shay'an wa huwa khayrun lah, wa yuhibbu shay'an wa huwa sharrun lah. Une grande faïda de ce hadith, c'est que l'homme peut détester une chose alors que c'est un bien pour lui, c'est meilleur pour lui. Tout comme il peut aimer une chose alors que c'est un mal pour lui. Mafhoum, c'est compris? L'homme peut aimer une chose ou peut détester une chose alors que c'est un mal pour lui. Pardon, il peut détester une chose alors que c'est un bien pour lui. Tout comme il peut aimer une chose alors que c'est un mal pour lui. Al-musiba, le malheur. On le déteste. Mais par cela, Allah Azza wa Jal t'efface un péché que tu aurais pu retrouver yawm al-qiyamah. Et yawm al-qiyamah, il se peut qu'un serviteur entre finnar à cause d'un seul péché. On établit la balance, il y a les deux plateaux, on pèse et on voit que le nombre de ses hasanat et le nombre de ses péchés Yani la plutôt le poids est identique. Puis il reste en péché. Et la balance est alors plus lourde. Du côté des péchés, il rentre finnar. Si Allah Azza wa Jal ne lui fait pas miséricorde. Pour un malheur, subhanallah, deux malheurs, dans cette situation, tu peux te retrouver fil jannah. Est-ce que tu réfléchis à cela lorsque tu es éprouvé? Subhanallah, ce malheur que tu détestes, peut-être que ça va être le sabab pour que tu entres fil jannah parce que tu ne trouves pas ce péché qui t'aurait emmené fil nar. Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bil ibad, bil mu'minin. Allah azza wa jal, il a pitié de ses serviteurs. Lorsqu'il décrète une chose, tu dois avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux qui n'ont pas réussi à avoir la richesse? Ils disent, j'ai tout fait, mais pourquoi moi, mais kaza. Ou il passe son examen, il le rate. Une deuxième fois, il le rate. Il travaille encore mieux, il le rate. Et il dit, mais pourquoi? Il se peut qu'Allah azza wa jal ait voulu pour toi le bien. Et qu'en ayant cet examen, tu aurais travaillé dans le haram. Et tu aurais pris des péchés. Et tu serais éloigné de la prière. Et tu serais éloigné des assises de science. Wa'akada. Wa ma yudrik. Tu sais pas. Certains restent dans la pauvreté. Et si Allah les avait enrichis, ils se seraient égarés. Allah Azza wa Jal a su que pour eux, c'est la pauvreté qui allait les emmener dans la piété. Et combien sont ceux que nous connaissons qui n'ont pas goûté à la piété, si ce n'est après avoir été éprouvés dans leur santé? Le père d'un frère que nous connaissons, subhanallah, il était loin de la salat, ne préservait pas la salat, le din n'avait pas de place chez lui. Et il nuisait à son fils qui a emprunté le chemin de la sunnah et qui voulait apprendre sa religion. Ce cher père a été touché d'une maladie au cœur. Il a été lourdement éprouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Taba ilallah. Il s'est repenti. Il est venu au masjid. Il est resté au masjid. Prenait son vélo à la mosquée. Un des premiers à entrer dans le masjid. Un des derniers à sortir du masjid. Muhafid ala salawat. Il préserve ses salawat. Jusqu'aujourd'hui, subhanallah. Quelle fut la cause? Une maladie du cœur. Quelle fut la cause d'une maladie du cœur? Wahakana. Combien sont ceux qui ont fait tawbah après avoir goûté à l'amertume de la douleur, de la difficulté? Wahakada. Combien sont celles qui ont mis le hijab après le décès d'un parent? Donc le père conseille à sa fille de mettre le hijab, elle ne met pas le hijab. Lorsque le père décède, elle commence à mettre le hijab. La da'wa du père l'atteint après sa mort. فالمصيبة قد تأتيك بخير عظيم. Le malheur peut venir à toi avec un grand bien. Combien sont ceux qui étaient dans le haram lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrété la mort d'un de leurs parents et ils ont su que l'enfant pieux pouvait apporter du bien aux parents? L'enfant, dans ce malheur, s'est réformé et revenu vers Allah Azza wa Jal. Il fait du'a pour ses parents, il emprunte le chemin de la droiture. Les exemples sont très très nombreux. Les exemples sont très très nombreux. Combien de footballeurs se sont cassés la jambe? Ils ne pouvaient plus jouer, ils ne pouvaient plus voyager. Ils sont revenus dans le din. Hein? Ils sont revenus dans le din et ils ont vu que la passion du football était un stratège du shaitan afin de les éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait continuer dans les exemples, les chanteurs et les étudiants. Celui qui n'arrive pas à se marier avec telle femme et il la souhaite, il voulait cette femme depuis son plus jeune âge. Ensuite, il n'arrive pas à se marier avec elle. Pour un oui et pour un non. Na'am. Au final, cette femme s'égare. Ça devient une femme mauvaise. Et celui qui se marie avec elle, il souffre. Et cet homme se rappelle qu'il voulait se marier avec elle. Il dit « Alhamdulillah ». Alhamdulillah que je ne me suis pas marié avec cette femme. Regarde comment est-ce qu'elle est devenue. Wahakada, cette telle femme voulait tel homme. Puis, on entend que tel homme est violent avec son épouse. Tel homme fait telle chose. Elle dit Alhamdulillah. Et on pourrait citer vraiment beaucoup d'exemples dans ce chapitre. Donc, ce qu'on tire de ça, c'est quoi? Allahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah sait. Et il fait avec sagesse. Et nous, on ne sait pas. Il te suffit de savoir que ça fait partie des actions d'Allah pour te tranquilliser. Allah Azza wa Jalla ne va pas faire pour toi si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur. Subhanahu wa ta'ala. Al-hath ala sabr inda al-masa'ib. Dans ce hadith, on nous encourage à se montrer endurant lors des malheurs. At-tasliya lil-mu'min inda al-masa'ib. Ici, il y a un réconfort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses paroles, réconforte les croyants qui sont éprouvés. Et ô combien sont-ils? Mais qui est-ce qui se rappelle ce texte lors de l'épreuve? Les gens passent bien plus de temps à se plaindre qu'à méditer sur le fait qu'Allah Azza wa Jal a pu vouloir un bien pour moi dans ceci ou dans cela. Il y a une sagesse, wa hakada. Lorsque tu regardes le péché, l'épreuve, tu dois regarder l'épreuve de deux points de vue. Le premier point de vue, on le tire du hadith. عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَ. Il précipite sur lui la punition. Et on a dit que la punition vient forcément en face de quoi? D'un péché. Donc le premier point de vue, c'est de se dire, j'ai reçu cette épreuve, pourquoi? À cause de mes péchés. À cause de mes péchés. C'est le premier point de vue. En comprenant les deux points de vue que je vais citer ici, on va comprendre l'instabilité de certaines personnes éprouvées. Car certaines personnes penchent que vers le premier, d'autres que vers le deuxième. Et celui qui restera ferme dans les épreuves est celui qui aura réussi à réunir les deux points de vue. Le premier point de vue, c'est donc « Al-masa'ib sababuha dhunubuna »« Sababuha dhunubuna » Donc la cause des épreuves et des malheurs, c'est quoi? Nos péchés, nos propres péchés. Le fait qu'on désobéit Allah, tabaraka wa ta'ala. Le deuxième point de vue, al-masa'ib sababu takfiri dhunub. Les épreuves, difficultés et malheurs sont les causes par lesquelles on efface les péchés du serviteur. Donc, il y a une cause, c'est ton mal. Mais il y a une sagesse qui en découle, c'est le pardon pour les péchés. Donc retiens que c'est un bien pour toi ces épreuves. C'est un bien pour toi ces épreuves. Notez pourquoi. Car ce sujet, c'est un des plus grands sujets par lequel les serviteurs s'égarent. Une épreuve dans son argent, il arrête la salat. Une épreuve dans son mariage, il arrête la salat. Une épreuve dans sa famille, il arrête la salat. La perte d'un proche, il arrête la salat. Elle enlève le hijab. Et wahakada. Alors que le musulman, le mu'min, le muwaffaq, l'épreuve ne fait que le rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le bien qu'on tire de l'épreuve, les sagesses, il y en a plusieurs. Takfir al-dhunub. On efface ses péchés. Deuxièmement, حصول ما يحبه الله وهو الصبر. Et se réalise une chose qu'Allah aime suite ou pendant l'épreuve. C'est quoi? الصبر, l'épreuve. Pardon, l'endurance. Sans épreuve, est-ce qu'il peut y avoir endurance sur les choses difficiles à supporter? Non. Allah Azza wa Jal aime al-sabr. Wallah yuhibbu al-sabiri. Allah aime les endurants. Ainsi on décrète la chose et se réalise ce qu'Allah aime. Al-sabr min al-abd. L'endurance du serviteur. Troisièmement, tu as su que la cause de l'épreuve, c'était quoi? Tes péchés. Donc qu'est-ce que tu vas faire lors de l'épreuve? At-tawbah. Troisièmement, at-tawbah. والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى التواب الغفار. Donc le repentir, la demande de pardon, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, car tu sais que ces épreuves ont pour cause tes péchés. هذا هو بارك الله فيكم. Mada, qu'en est-il des prophètes et des messagers, qui sont ceux qui sont le plus éprouvés? Hein? Si quelqu'un vient et dit, mais tu me dis cela, mais qu'en est-il des prophètes et des messagers? Il y a un mot dans le hadith qui vous permettrait de répondre. Indaman. Comment sortir de ce problème? Vu qu'on dit que c'est à cause des péchés. Pourtant, ceux qui sont le plus éprouvés, c'est les prophètes et les messagers. Kayfa at-takhallus min hada? Que avec ce hadith. Ça va venir avec le hadith suivant. Cette réponse, elle vient dans le hadith suivant. Moi, je veux, à travers ce hadith, une réponse. Naam. Là. Ça, ce sens-là sera pris du prochain hadith. Le frère a dit, plus Allah aime le serviteur, plus il l'éprouve. Oui, mais ça, c'est pas dans le hadith. Ça, cela sera tiré du second hadith. Ou du hadith prochain. Naam Abdullah. Comment? Là, cela n'est pas la réponse. Certes, ce sont les meilleurs serviteurs, mais cela n'est pas la réponse. Naam. C'est Adam, tu donnes la bonne réponse, Salim te donne 5 euros. Naam. Car lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il l'éprouve. Mais ça, c'est de la plagiat. T'as répété ce que tes camarades ont dit. Mais j'ai dit non pour eux. Tu pensais que j'allais dire oui pour toi? Je t'aime, mais pas à ce moment-là quand même. Naam. Indaman. Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Akhana, au fond, t'as mal au dos? Oui? Aïwa. Alors tu peux répondre. Parce que je vais t'entendre, Inch'Allah. Ahsan, jazakallahu khayran. وزادك الله علما وحرصا على العلم وبارك الله فيك. Donc le frère a trouvé la réponse. Un mot dans le hadith nous permet de répondre à ce ishkal. C'est quoi? Le mot al-uquba. Sahih? Je l'ai répété trois fois pourtant. Al-uquba. Méditez le hadith. إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة. Et j'ai dit que l'uquba vient forcément en face de quoi? Du péché. Donc est-ce qu'ici ça concerne les prophètes et les messagers? Hein? Non. Elle ne les concerne pas. Eux seront concernés par le hadith suivant. C'est compris? Non. C'est clair ou ça ne l'est pas? On parle ici de punition. On punit pas les prophètes et les messagers pour le bien qu'ils font. Mais les serviteurs, les pécheurs, pour le mal et leur péché, afin qu'ils arrivent au Qiyamah sans péché. Par contre, les prophètes, eux, les épreuves, c'est pas à titre de punition. C'est pourquoi? Raf'an lid-darajat. C'est pour les élever en degré. C'est pour les élever en degré. On les éprouve afin qu'ils patientent et atteignent le meilleur degré. Et atteignent le meilleur degré. Et le dernier hadith. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna 'idama al-jazaa'i ma'a 'idama al-bala'i wa inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sukht aw as-sakhat hasanahu at-Tirmidhi. Vous corrigez, falahu rida. À la fin, c'est un alif. Maksura, ça n'est pas un ya. Vous mettez la remarque, il n'y a pas les deux points en dessous. En apparence, ici, c'est comme si c'était un seul et même hadith. En fait, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, les a cités à la suite, car c'est le même rapporteur et c'est le même recueil. Les deux hadiths sont de Anas et les deux sont d'Imam Tirmidhi. Alors il les a cités les deux, puis a dit Rawat Tirmidhi. C'est compris? Sinon, ce sont deux hadiths différents. On dit Idham et on dit aussi Uzm. Aïe. Donc que signifie ce hadith? Avant cela, on le traduit. où je le traduis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc toujours d'après Anas radiallahu anhu, la grande récompense va avec la grande épreuve. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'immensité de la rétribution va avec l'immensité de l'épreuve. C'est clair? Et lorsqu'Allah, le Très-Haut, aime un peuple, aime des gens, il les éprouve. Celui donc qui est satisfait aura la satisfaction. Celui donc qui est satisfait aura la satisfaction. Littéralement, c'est ça la traduction. Mais vous ici, vous avez la traduction qui vous aide à la compréhension. Et ça n'est pas mal. D'accord ? Celui qui est satisfait aura la satisfaction. Et celui qui s'indigne récoltera la colère. Celui qui se révolte récoltera la colère. Celui qui s'indigne récoltera la colère. Imam al-Tirmidhi a qualifié ce hadith de bon. Donc plus l'épreuve est conséquente, lourde, difficile à supporter, plus la rétribution sera immense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Plus l'épreuve sera lourde fi dunya, et plus la chose à supporter sera difficile fi dunya, plus la rétribution d'Allah sera grande. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى أي من الله فَمَنْ رَضِيَ أي بقدر الله بأن قدر عليه هذه المصيبة فَلَهُ الرِّضَى أي رِضَى الله. Donc celui qui se montre satisfait, c'est-à-dire de ce qu'Allah a décrété comme épreuve sur sa personne, aura la satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah. C'est compris? Et celui qui s'indigne, donc il déteste ce qu'Allah a décrété pour lui. Il déteste ce qu'Allah a décrété pour lui. Pas l'épreuve en soi. Qui aime tomber malade? Qui aime perdre un proche? On déteste cela. Mais ça, on ne parle pas de ça dans le hadith. On parle du fait de détester le décret. Et on a expliqué qu'il y a une différence entre la chose décrétée et entre l'action d'Allah. La chose décrétée, on ne l'aime pas parce que c'est difficile, parce que. Fanasbir, on endure, on retient notre langue, on n'a aucune mauvaise opinion d'Allah, on ne fait pas de mauvaises actions. Ça, c'est simple. Warrida, agréer l'épreuve, ça c'est mustahab, c'est pas wajib. Mais ici, il s'agit de quel agrément? Du décret d'Allah. Pas de ce qui a été décrété, parle de l'action d'Allah Azza wa Jal. Le fait qu'Allah ait décidé que telle chose allait toucher tel serviteur. Tu dois être satisfait de tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, car elle ne fait que le bien. Tabaraka wa ta'ala. Wa shar laysa ilayk. Faman sakhid ay lam yarda bi fi'lillah. Celui qui se révolte n'a pas été satisfait de ce qu'Allah a fait. Falahu sukht. On peut dire aussi sakhat. Ay min Allah uqubatan lah. Donc celui-ci recevra la colère, c'est-à-dire d'Allah, en tant que punition. Donc quel est le sens de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la grandeur de la rétribution auprès d'Allah va avec la grandeur de l'épreuve lorsque le serviteur est éprouvé et qu'il se montre endurant et espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan idha sabara wa ihtasab. Ça c'est pour celui qui a endurer et espérer la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui se révolte, qui n'endure pas, est-ce qu'il va avoir une grande récompense parce qu'il a reçu une grande épreuve? Non. Donc ceci fait partie des signes de l'amour d'Allah pour son serviteur. Le fait qu'il l'éprouve et que son serviteur se montre endurant. Ce serviteur, lorsqu'il a reçu cette épreuve, أحسن الظن بربه الرحيم اللطيف. Le serviteur, lorsqu'il a été éprouvé, lorsqu'il a été dans le malheur, lorsqu'il est tombé malade, lorsqu'il a perdu son argent, lorsque son père est décédé, lorsque son enfant est décédé, lorsqu'il a perdu son travail, lorsqu'il a été éprouvé, il n'a eu qu'une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Et en aucun cas, le shaitan a réussi à mettre dans son cœur pourquoi Allah fait cela. Là, أحسن الظن بالله. Il a eu une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Car il sait qu'Allah est rahim. Il est miséricordieux. Allah est bon. Allah est doux envers ses serviteurs. Allah veut le bien pour ses serviteurs. Alors, il a purifié son cœur de toute mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela lui a permis d'espérer la récompense qu'Allah a promis aux patients. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, Allah rétribuera les patients d'une récompense sans compter. Sans compter. On n'a pas dit une hasana multipliée par 10. Non, sans compter. Elle est tellement grande, Ibn Uthaymeen a dit qu'on n'a pas cité de chiffres. Quant à celui qui n'a pas enduré, qui a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, qui s'est donc mis en colère contre ce décret, celui-ci recevra ماذا, la colère. مناسبة الحديث للباب بيان علامة محبة الله لعبده وحكمته في ابتلاء العباد بالمكاره. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit un des signes de l'amour d'Allah pour son serviteur, c'est qu'il l'éprouve. Aussi on voit une des sagesses de l'épreuve, une des sagesses pour lesquelles on éprouve le serviteur avec des choses qui lui sont difficiles à supporter. C'est quoi? C'est d'accorder l'agrément à ce serviteur. D'accorder l'agrément à ce serviteur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète une chose, plutôt lorsqu'Allah nous appelle à une chose, hein, il met des causes. Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala dans le sharh de As-Sayru ila Allah, poème magnifique d'Ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, dans lequel il a décrit les caractéristiques des bienheureux et le chemin qu'empruntent les bienheureux pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, Jannah dans l'au-delà. Il explique dans le sharh, il dit cela est une règle. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous appelle à une chose, il met des causes. D'accord? Il met des causes. Et ne pensez pas que j'ai mémorisé ce poème ou que j'ai étudié ce charh, si ce n'est que j'étais en voyage hier et sur le chemin de l'aller et de retour, j'écoutais le charh de Charles Trabès, c'est pour ça que cela m'est revenu. Naam. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça, Sofiane? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça, Mohamed? Qu'est-ce qui peut répondre à ça? Tafaddal. Jazakallah khairan. Car les salafs détestaient qu'on pense du bien d'eux sur une chose qu'ils n'ont pas. Naam. Cette faïda, on l'a cité souvent. Barakallah fiqh wa jazakallahu khaira. Il se peut que tu cites un verset d'une grande sourate. Et tu sais que les gens autour de toi vont penser que tu as mémorisé donc cette sourate. Sahih. Ou bien que tu cites ماذا, le début d'un matin. Je dis par exemple ماذا كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Les gens disent, après un jour les gens étudient kitab tawhid, ils voient que la première page c'est ça, le début. Ils disent mashallah, le frère Abdullah Allahumma barik, il a appris kitab tawhid. Ensuite il est dans une autre assise. Il dit par exemple As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim, As'alullah al-Azim Rabb al-Arsh al-Karim ayyatawallaka fi dunya. Dans une autre assise, ensuite il étudie Qa'ad al-Arba'a. Il dit Masha'Allah, il connaît aussi Qa'ad al-Arba'a. Allahumma barik. Ensuite il se retrouve dans une autre assise, Sa'id al-Ladhina tajannabu subul al-Rada. Et après il voit As-Sayr ila Allah, Masha'Allah, yahfad hatta al-Abiyat. Allahumma barik, il mémorise même des poèmes. Ensuite, il récite le début de ماذا, de tel livre, puis de tel livre, puis de tel livre, dans le nahw, dans le mustalah, wakada, wakada. Khalas, il mémorise tous les mots. Tout. Hein? Et un frère, une fois, avait dit, tellement que les frères aiment l'exagération dans le bien, dans le mal, si tu mémorises la première ligne de chaque livre, Ils vont dire que tu connais tous les livres. Hein? Ils vont dire que tu connais tous les livres. Malheureusement, c'est pas faux, mais on peut pas faire cette généralité. Non. Lorsqu'il y a un frère qui est bien, les frères le rendent Shir l'Islam et Taïmiya. Lorsqu'il y a un frère qui fait une faute, ils le rendent Iblis. Il est comme s'il ne peut pas faire Tawbah, il ne peut pas revenir. Là, il faut être dans le juste milieu. Celui qui nous montre le bien, on accepte de lui. Celui qui nous montre le mal, on se comporte avec lui en fonction de ce qu'il aura fait et de ce qu'il est. Wal-wasatiyya amruha aziz. Et d'être dans le juste milieu, c'est difficile. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala son aide. Donc, parmi les sagesses de l'épreuve, en mettant sur le serviteur des difficultés, le fait qu'Allah accorde sa satisfaction à ses serviteurs pieux et le contraire aux autres. On tire de ce hadith un des signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs et de son agrément. On tire de ce hadith l'affirmation et un ithbat sifatay al-ridha wa sukht lillahi subhanahu wa ta'ala sifatan wa huma sifatan fi'liyatan ou fi'liya. On tire de ce hadith l'affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal al-ridha, l'agrément, et al-sukht, la colère. Ce sont deux attributs d'action. Ala ma yaliq bijalali ithbatu al-hikmah. On affirme de ce hadith, on peut affirmer de ce hadith que lorsqu'Allah fait une chose, il le fait avec sagesse. Il le fait avec sagesse. Fa'alullah mu'allala. Certaines sectes disent qu'Allah fait pour faire. Il n'y a pas de sagesse. Par exemple, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est quoi la sagesse de la création des djinns et des hommes? Hein? Qu'on adore Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Il y en a qui disent non. Allah a créé les djinns et les hommes comme ça. D'accord? Ça, c'est un manque de respect qui est très grave envers Allah, le Seigneur des mondes. Al-hath ala sabr ala al-masa'ib. Ou inda al-masa'ib. On nous encourage à travers ces textes à endurer, à se montrer endurant lors mada de l'épreuve. Al-insan qad yakrahu al-shay wa huwa khayrun lah. L'homme peut détester une chose alors que c'est un bien pour lui, ou alors que c'est meilleur pour lui. L'homme peut détester une chose alors que c'est meilleur pour lui. Une personne était malade, un homme et une femme, elle a invoqué contre la fièvre, a insulté la fièvre. Le prophète lui a dit, n'insulte pas la fièvre. Par elle, Allah Azza wa Jal fait mada, partir les péchés. D'accord? Dans chaque épreuve, on t'efface mada des péchés. Au point où le prophète sallam dit, même une tristesse, un chagrin, une peine, la peine que tu as, car tu n'as pas obtenu ce que tu veux, on t'efface des péchés. La peine que tu as suite au malheur, on t'efface des péchés. La peine que tu as pendant le malheur, on t'efface des péchés. D'accord? La maladie, et même le mada, la piqûre d'insectes, une mada, un moustique, une épine. D'accord? L'exemple que j'aime à citer, tu vois le coin de la table, vous connaissez cette douleur ou pas? Quand ça tape le côté de ton doigt de pied le plus petit, enfin normalement c'est le plus petit, voyez, mada, ça fait très mal, sahih, lorsque c'est une table basse qui a un angle. Et à ce moment-là, si tu as étudié un petit peu de tawhid et qu'Allah Azza wa Jal surtout t'accorde et tawfiq, tu ris de ta grosse douleur. Et tu dis Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, pour le bien qu'Allah Azza wa Jal te donne, Astaghfirullah, parce que tu te rappelles que l'épreuve vient suite à quoi? Au péché. D'accord? Au péché. Et une nasiha pour ceux qui sont éprouvés dans leur couple. L'homme a tendance à faire la liste des défauts de son épouse lorsqu'il se dispute avec elle et lui ressort même tout le passé. Comme s'il avait un, comment on appelle ça? Un livre d'histoire. D'accord? Alors qu'elle s'est excusée, il lui a pardonné, et il lui dit, t'as fait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas préoccupé par ce qu'on vient d'étudier. Si Allah l'avait aidé, en citant ses fautes, il se serait arrêté très rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est une moussiba. Si c'est une moussiba, c'est-à-dire que cette femme est une moussiba pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beaucoup de péchés. Donc il s'arrête de parler et il pense à ses propres péchés. Il cherche, il fait taouba pour ça. Il cherche encore, il fait taouba pour ça. Il cherche, il fait taouba pour ça. Et quand il rentre, il trouve un bon plat, il trouve kada, il trouve de la rahma, il trouve de la hanana. Il dit subhanallah. Elle m'a parlé comme ça, et maintenant elle est gentille. Non, tu avais des péchés, tu avais ça. Alors elle était comme ça. Maintenant tu es revenu léger de tes péchés, alors tu l'as retrouvée comme ça. Sans vouloir diminuer de sa valeur. Mais, comme le disaient certains salafs, je désobéis Allah Azza wa Jal et je vois les effets de ce péché sur ma monture et sur mon épouse. C'est-à-dire que sa monture lui obéit moins. Et son épouse est moins affectueuse ou obéissante. Comment tu t'appelles? Comment? Abdul Razzaq. Allahumma barik. Ismoun Jamil. Et comment je t'appelle? Il m'a dit, hein? C'est à moi que tu parles? Allahumma barik. Il a une charsiya à son âge. Il a une personnalité déjà à son âge. Wahakada au travail, si tu es éprouvé, peut-être que tu fais parfaitement ton travail. Mais en vrai, il y a un péché entre toi et Allah Azza wa Jal. Toi, tu fouilles dans ton travail, tu fouilles dans ça. Mais c'est pas là-bas que ça se passe. C'est dans ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu es éprouvé dans une chose de ta dunya. Ou de ton din. Ton enfant ne veut pas apprendre, il est moins obéissant, ainsi de suite. Alors toi, tu accuses ton épouse. Après, tu dis, c'est parce que je l'ai posé chez mes parents, ils ont kharrab la da'wa. Kada, après, son grand-père, ses grands-parents, la belle-mère. Il pense partout. Et à la fin, si Allah Azza wa Jalla lui accorde le bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire subhanallah. J'ai raté salat al-fajr au masjid. Subhanallah, kada. Il va se corriger, il va voir que son enfant de lui-même, il va venir. Abi, on révise le Coran. Abi, on lit le Coran. Wa hakada. Ça, c'est muhim jiddan d'avoir cet istihdar. Ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle beaucoup de problèmes car tu ne vas pas accabler toute la terre. Tu vas t'occuper de toi-même. Ces gens-là vont avoir honte car ils auront fait des fautes. Peut-être que cette femme a fait des fautes, peut-être. Mais ça ne va pas amener des problèmes. Ça ne va pas amener des problèmes. Et tu arriveras mieux à supporter. Ainsi, nos téléphones sonneront moins. Sahih? Donc tout le bien est dans Talb'in, subhanallah. Même dans ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution et comment on va dire ça? La rétribution que tu reçois est à l'image de ce que tu auras fait toi. C'est-à-dire, si tu fais du bien, tu trouveras du bien. Si tu fais du mal, tu pourras trouver du mal. Avec le hadith précédent, on comprend que le malheur efface les péchés. Avec le deuxième, on comprend quoi? Ça amène du bien, des hasanats, et ainsi de suite. Une question que les savants ont soulevée. Est-ce que toute épreuve et tout malheur efface le péché et aussi amène du bien, des hasanats et l'élévation en degré ou pas? Vous avez compris la question? Avec le hadith précédent, on comprend que avec le péché, on efface, avec l'épreuve, on enlève des péchés au serviteur. Dans le second, donc on enlève du mal. Dans le second, on voit qu'il obtient du bien. Ma question, est-ce que ces deux choses-là, on les unit sur chaque personne qui sont éprouvées ou pas? Est-ce que la question est claire? Donc, la réponse. Irtalaf al-ulama. Donc, pour le premier point, sans aucun doute, le croyant est éprouvé, on lui efface des péchés par cela. Maintenant, pour le deuxième point, le fait aussi de lui donner du bien, des hasanats, l'élévation en degré, et ainsi de suite. Irtalaf al-ulama. Les savants ont divergé quant à cela. Car les épreuves sont de deux types. Masa'ib naw'an. Ma kana nashi'an 'an ta'atillah. Premièrement, ce qui vient suite aux obéissances. Ce qui vient suite à l'obéissance d'Allah. Donc tu es éprouvé, tu as un malheur suite à de bonnes actions. Par exemple, tu vas en da'wah. Tu vas en da'wah et tu es éprouvé par des kuffars, ou tu es éprouvé par des innovateurs, ou tu es éprouvé par des ignorants. Et on ment sur toi, ou on parle sur toi, ou on t'agresse, ou d'accord, ou on t'empêche de faire ton dars, ou on t'interdit l'accès à l'avion, ou d'autres choses. Tu fais le wudu, l'eau est froide. Si tu tombes malade, parce que tu as patienté, wahakada, naam, tu sors, il n'y a pas de lumière, tu viens à Salat al-Fajr, et peut-être que tu te tords la cheville, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu as obéi à Allah Azza wa Jal, suite à cela, tu as eu un malheur. Sur ça, il y a takfir al-dhunub, wa nayl al-thawab. Sur ça, on te pardonne des péchés et tu es aussi récompensé. C'est wadah, c'est clair? Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, al-masa'ib allati la ikhtiyar lil-'abd fiha. Les épreuves dans lesquelles le serviteur n'a pas de volonté dedans. D'accord? Qui a un exemple? La mort d'un proche. El marad, la maladie. Le décès d'un proche. As-sihr, le fait d'être touché par la sorcellerie ou le mauvais œil. Est-ce que le serviteur a fait quelque chose pour recevoir cela? C'est pas son ressort. D'accord? Pour ça, les savants ont divergé. Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah et d'autres, rahimahumullah, ont dit qu'on lui efface des péchés seulement. Et s'il se voit rétribué, ça ne sera pas pour le malheur en soi, mais pour la réponse qu'il aura eue devant ce malheur. Comme quoi, al-ihtisab, espérer la récompense, endurer, agréer, et ainsi de suite. Wadah? Ok. On va s'arrêter là, et s'il y a quelque chose à ajouter, on l'ajoutera. Je l'ajouterai demain. Incha'Allahu ta'ala. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك